chapitre 30e, pour fournir des preuves. Avant que le comte de Marnay ait pu se remettre de sa terreur, Paulin Broquet d'un bond l'avait saisi, roulé à terre et mis dans l'impossibilité de tenter un mouvement de défense, de fuite, en lui passant les menottes, tandis que Gabriel lui entravait les jambes. Ce fut fait en un clin d'œil. Puis, Paulin Broquet, soulevant le comte immobilisé, le jeta au hasard dans un fauteuil comme une masse inerte. Le comte de Marnay avait aussitôt compris ce dont il s'agissait. Il se sentit perdu. Mais cependant, se ressaisissant, il essaya de tenir tête, de braver le danger, de se défendre. « Que signifie cette comédie ? » fit-il. « Ce n'est pas une comédie, » dit Paulin Broquet. « Si c'est une plaisanterie, je la trouve de fort mauvais goût. Ce n'est pas non plus une plaisanterie. L'heure de la justice a sonné pour vous. Ah, monsieur, cela dépasse les bornes. Je ne vous permets pas. Bien que vous ne soyez qu'un vulgaire policier, je tiens votre acte pour une insulte grave, et vous m'en rendrez raison, entendez-vous ? Je vous ferai terriblement expier. » Paulin Broquet, sans plus se préoccuper des insultes du comte, se retourna vers Gabriel et fit un signe. Gabriel alla vers la porte et l'ouvrit. « Vous pouvez entrer, messieurs, » dit-il en s'effaçant. Le comte de Marnay, avec effarement, vit pénétrer dans la chambre le vieux marquis de Briaille, le capitaine de Rennebois, le capitaine de Casaumont, Robert et Raoul Montreuil. « Ah, mes amis, mon cher oncle, » s'écria le comte, « vous faites bien de venir. J'espère que vous allez dire à ce policier que sa facétie a déjà trop duré. » Paulin Broquet montra au marquis de Briaille un papier. « Je vous demande pardon, monsieur, d'avoir opéré dans votre honorable maison. » « Moi, je proteste hautement, » dit le comte. « Mon oncle, je suis votre parent. Je suis votre hôte. Vous devez me faire relâcher et jeter cet homme à la porte, comme il convient aux gens de son espèce. » J'ai mandat d'arrêt, signé du parquet de Paris et signifié au parquet d'Orléans, contre la personne du comte de Marnay accusée d'assassinat. Le vieux marquis dit à Paulin Broquet, « Faites votre devoir, monsieur. Même chez moi, je n'entraverai en aucune façon l'action de la justice. » Paulin Broquet dit alors solennellement, « Comte de Marnay, au nom de la loi, je vous arrête. »« Vous êtes fou, mon oncle, voyons, dites-lui. » Le vieux marquis s'approcha du prisonnier. « Misérable, tais-toi. »« Je proteste, je réclame la loi. »« Assassin, moi, assassin, mon oncle. » La douleur, le chagrin ont troublé votre raison. Ainsi, infâme, perfide, c'est toi, pour qui je n'ai eu que des bontés, toi, qui pour voler mon bien, l'héritage de mes enfants, toi qui as tué ma sainte femme, toi qui as tué mon fils si vaillant, si fort, toi qui as tué ma pauvre fillette. C'est faux, c'est faux ! Cria le comte de Marnay. Paulin Broquet intervint. Pas de cri, pas de cri. Inutile de troubler ces demoiselles qui pourraient vous entendre. Elles sont en train de rire, vous croyant partie. Car mademoiselle de Briaille n'a jamais été mieux portante que depuis que vous avez cru la tuer. Vous êtes fou. Moi jamais je n'ai... Paulin Broquet se tourna vers son second. Gabriel, montre à ces messieurs le trou pratiqué dans le plancher par où le comte de Marnay faisait passer les moustiques. En entendant ces mots, le comte de Marnay devint blême, mais il affecta de rire. Des moustiques. Des moustiques. Voilà Paulin Broquet qui va nous raconter une de ses aventures fantastiques. Ce trou dans le plancher, mais c'est un trou de souris. Ah, si vous l'écoutez, il vous fera prendre la souris pour des moustiques. Gabriel avait levé la lamelle de chêne et montré le trou pratiqué dans le plâtre. Ce trou, expliqua Paulin Broquet, donne dans la chambre à coucher de Mademoiselle Alice. Il est dissimulé dans une des rosaces du plafond de cette chambre, près de la cheminée. Le comte de Marnay interrompit en ricanant. Pour faciliter la venue du Père Noël, va vous dire ce détective aux déductions extraordinaires ? Il faut, en effet, reprit Paulin Broquet avec le plus grand calme, il faut de la chaleur aux moustiques pour vivre et accomplir leur sinistre mission. C'est pour cela que l'autre soir, le soir où le crime était décidé, le comte de Marnay trouva la maison humide et fit faire du feu dans les chambres. « Ce que vous dites est ridicule, » dit le comte. Les moustiques, tombant du plafond, glissaient sur la cheminée chauffée et ne subissaient pas l'engourdissement du changement de température. Il pouvait voler, vivre et se poser sur la victime désignée. On avait fait asseoir le marquis dans un fauteuil. Autour de lui se tenaient, également assis sur des chaises avancées par Gabriel, les deux capitaines et les deux frères. Ainsi se trouvait constitué une sorte de tribunal devant lequel comparaissait le misérable. Grave, très calme, Paulin Broquet reprit, s'adressant au comte qui frémissait de rage et de haine. « Je pourrais, en vertu du mandat, vous faire diriger sans autre explication sur la maison d'arrêt d'Orléans. Mais, par respect pour le nom du marquis de Briaille, pour sa famille, je vous garderai ici jusqu'à la nuit. Je tiens en outre à démontrer devant le marquis et ces messieurs votre crime abominable. Je vous laisse me contredire si vous le pouvez. Maître Raoul Montreuil, en tant qu'avocat, veut bien prendre la peine de vous seconder dans votre défense. Mais je vous préviens que je ne souffrirai pas de cris, pas d'injures, pas d'insultes. Ne m'obligez donc pas à vous bâillonner jusqu'au moment où vous quitterez à jamais cette maison. » Ceci dit, Paulin Broquet se tourna vers le marquis. Le docteur Robert vous expliquera par la suite comment il était amené à soupçonner la vérité sur ce terrible mal qui jetait le deuil dans votre famille. Le docteur l'établissait scientifiquement, alors que moi, j'avais deviné la main d'un criminel et la recherchais. Et nous avons collaboré pour arriver à la vérité, à la preuve, à l'heure de la justice. Messieurs, la préméditation ne fait pas l'ombre d'un doute et la récidive est flagrante. Le but est positif. Le comte de Marnay, quoique de noble et illustre famille, est sans fortune. Il croit le travail indigne d'un homme portant un titre. Ayant des goûts de haute vie, il chercha le moyen de les satisfaire par des expédients, des compromissions qui devaient lui être funestes. A-t-il conçu lui-même, lui a-t-on suggéré l'idée infernale de s'emparer par le crime de la grande fortune de son oncle, le marquis de Briailles? Messieurs, admettons que, poussé par le besoin, il a été un instrument docile dans les mains d'un homme dont il est l'ami intime, qu'il a introduit dans cette maison et qui dut certainement le seconder dans ses crimes précédents, lui fournir les armes pour le dernier. « Vous n'avez pas le droit d'insulter mes amis, » dit le comte, « et de les accuser ainsi. » Imprudemment emporté par sa fureur, le prisonnier ajouta « Le comte de la Guérinière est au-dessus de vos attaques. » Paulin Broquet fit observer avec calme « Je n'ai nommé personne. C'est le prévenu qui désigne lui-même son complice. »« Vous n'avez pas nommé, » expliqua le comte, voulant rattraper sa parole imprudente, « mais l'allusion était transparente. On sait quels sont vos sentiments contre ce parfait gentilhomme. » Que vous voulez à toute force transformer en criminel, déjà dans une affaire récente, dont il ne faut pas parler ici, dit vivement le détective, lui coupant la parole. Dans cette affaire, le comte de la Guérinière a été proclamé innocent, c'est exact. Mais il n'en demeure pas moins étrange de trouver à toute manifestation criminelle de la bande des Z, à tous les hauts faits de Zigomard, la présence du comte de la Guérinière. Or, le comte de Marnay n'ignorait rien de tout cela. Il se plaisait malgré tout à être l'intime, le témoin officiel, le fidèle ami du comte de la Guérinière, qui est, tout l'indique, Zigomard. « Ce n'est pas Zigomard, non, non !»« Peu importe, nous n'avons pas aujourd'hui à nous occuper de cela. Je disais, messieurs, que le comte de Marnay lui-même, ou poussé par un autre, n'a pas hésité, pour voler cette fortune, à commettre le crime le plus lâche, le plus odieux. Vous mentez !» Trois fois, il jeta le deuil dans cette maison. Puis, il voulut supprimer le capitaine de Casaumont parce que le capitaine, devenant l'époux de Mademoiselle Alice, déjouait ses calculs, renversait ses plans et anéantissait les bénéfices des assassinats précédents. Mais le capitaine fut arraché à la mort par le docteur Robert, que seconda habilement le capitaine de Rennebois. « Toi ? » s'écria Casaumont. « C'est donc toi qui m'as fait la bonne piqûre ?» Les deux officiers se serrèrent la main cordialement. « Oui, mais voilà celui qu'il faut remercier, » dit Rennebois, désignant Paulin Broquet. « Voilà celui qui t'a sauvé, qui nous sauve tous !» Le détective étendit la main pour réclamer le silence et reprit. « Le fiancé survivant à l'attentat, la mort de Mademoiselle Alice fut décidée. Le comte de Marnay avait espéré, en épousant sa cousine, obtenir sa fortune en dot. Mais Mademoiselle de Briailles le repoussa. Son trépas fut décidé. En ajoutant cette mort aux trois précédentes, le comte de Marnay empêchait le mariage et le départ de la dot précieuse, et il devenait, lui, le seul héritier du marquis de Briailles. « Oh, le misérable !» dit le vieillard. Paulin Broquet reprit. Cette fois, l'attentat fut plus sérieusement que jamais préparé. Le comte était devenu maître dans cet art. Les moustiques, Anophèles et Stégomia qu'il devait employer aiment la couleur bleue. Le comte offrit à sa cousine des abat-jour bleus qu'il fit fabriquer exprès et qu'il prétendit avoir gagné dans une loterie de bienfaisance. Les Anophèles devaient donc être attirés par la lueur bleue de la lampe ou de la veilleuse de la chambre de Mademoiselle Alice. Les moustiques, en outre, adorent l'odeur du cuir. Celle du cuir de Russie les rend plus vifs et plus ardents. Le comte de Marnay n'oublia point de faire présent à sa cousine d'un magnifique sous-main en cuir de Russie qui devait orner le secrétaire de Mademoiselle Alice. Le comte de Marnay, qui avait écouté sans interrompre, s'écria tout à coup. « Si le cas n'était aussi sérieux, aussi grave, On ne pourrait s'empêcher de rire en entendant Paulin Broquet nous raconter ces sornettes bonnes pour frapper l'imagination des collégiens. Paulin Broquet, sans seulement se tourner vers son interrupteur, reprit « Je n'ai pas besoin, messieurs, de vous dire que tout ce que j'avance est scientifiquement établi et a fait l'objet de longues et patientes études de la part de divers spécialistes. Dernièrement, le docteur Toussaint Bintal a publié sur ce sujet des articles qui ont causé dans le monde médical et dans le public une grande sensation. D'ailleurs, le docteur Robert Montreuil vous donnera scientifiquement toutes les explications. Quant à moi, à cause de la singularité du crime, à cause de la famille à laquelle appartient le coupable, je n'ai voulu m'avancer que prudemment, en m'appuyant sur la science infaillible du docteur Robert. Je ne puis donc aujourd'hui faire erreur en arrêtant cet assassin. »